Personne ne sait combien de mots de révolte, combien de lettres de combat, combien de tracts, combien d'images, de photos, d'affiches s'empilent dans les rayonnages du CIRA, le Centre international de recherche sur l'anarchisme à Lausanne. On ignore aussi le nombre de pensées, de paroles, de débats, d'espoirs qui flottent encore entre les murs de ce petit coin, pas comme les autres. Un espace dans lequel nous allons entrer aujourd'hui avec mon invité, l'historienne, éditrice, essayiste et âme de ce haut lieu de l'histoire de l'anarchisme, Marianne Henkel. Marianne Henkel qui a publié tout récemment un très court essai aux éditions Indigènes qui porte le titre « Le refus de parvenir ». Bonjour Marianne Henkel. Bonjour. Pourquoi publier aujourd'hui ce petit essai ? Parce que ça fait partie d'une réflexion que nous menons au CIRA depuis quelques temps sur ce thème ancien, cette idée lancée au début du XXe siècle sur le refus de parvenir, c'est-à-dire le refus de grimper soi-même sans les autres, les arrivistes, les parvenus, les grimpions comme on dit chez nous. C'est un petit livre publié dans la même collection que le Indignez-vous de Stéphane Hessel. Comment est-ce qu'on peut qualifier ce type d'essai ? C'est un texte mêlant mémoire, réflexion ? Oui, je crois que les éditeurs donnent de grandes libertés aux auteurs. En fait, c'est le format d'un article qui est un peu gonflé pour en faire une brochure. Mais c'est amusant parce que chez les anarchistes, il y a une énorme tradition de publication de brochures, ce qu'ils appellent la propagande par l'écrit, brochures à 4 sous, faciles à lire, qu'on se passe de la main à la main. Et on voit par exemple, de nouveau au début du XXe siècle, il y avait une collection qui s'appelait Les Temps Nouveaux. Ils publiaient 10 000 exemplaires et quelquefois réédition, chaque fois 10 000 exemplaires et des brochures vraiment sur un papier pauvre, tout mincelet, mais avec des couvertures illustrées par Steinlen, par Maximilien Luce, par des grands artistes qui offraient des illustrations aux éditeurs. Alors, ça m'a plu de m'inscrire un peu dans cette tradition. Là où c'est un peu moins dans la tradition anarchiste, c'est que vous parlez un peu de vous, ce qui n'est pas si courant dans ces mouvements. C'est pas si courant, hormis pour les mémoires de gens âgés, donc je suis pas très jeune, c'est peut-être le moment de me mettre à écrire mes mémoires. Mais j'avais envie de raconter pas seulement les lectures que j'ai faites, mais aussi toutes les personnes que j'ai rencontrées en chair et en os, ou à travers leurs écrits, parce que justement, c'est souvent des écrits, même s'ils ne parlent pas en première personne, ça témoigne de vie, de courage d'écrire quand on a fait 3 ans d'école, de dévouement financier aussi, parce qu'on est, non seulement on n'est jamais payé, mais on finance aussi l'impression, on imprime soi-même, on fait des envois. Donc, j'ai côtoyé tellement de gens dans ma tête ou en réalité, que j'avais envie d'emporter témoignage. Et ça, c'était forcément en première personne. En quelque sorte, c'est le résumé de tout un parcours, celui de l'anarchisme et le vôtre que vous racontez là. Un parcours que nous allons retracer ensemble, si ça vous convient. Juste après cette petite immersion sonore dans l'espace noir du monde libertaire. Regardez votre usine, regardez-la bien. Il serait peut-être temps de vous apercevoir que ce n'est pas votre usine, mais votre prison. Écoutez-moi, ce que tu fais, fais-le pleinement, pas à demi. Ibsen, le soleil ne donne la vie qu'à ceux en qui elle a déjà germé. Tolstoy, les hommes passent la moitié de leur vie à se forger des chaînes et l'autre moitié à se plaindre d'avoir à les porter. Mirabeau, et surtout ouvriers, rappelez-vous bien ceci, les patrons sont des gens comme vous. Ils n'ont qu'une seule tête, ils n'ont qu'un seul cul. Écoutez-moi. Être gouverné, c'est être gardé à vue, inspecté, espionné, la Ligue Guignol. Diriger, légiférer, réglementer, tarquer, espionner, contrôler, qui n'ont ni la science, ni la vertu, ni le titre. À la moindre résistance, au premier mot de plainte, être réprimé, vilipendé, vexé, traqué, houspillé, assommé, désarmé, garrotté, emprisonné, fusillé, mitraillé, jugé, condamné, déporté, sacrifié, vendu, trahi. Et pour comble, car oui, berné, joué, outragé. Désolé. Marianne Henkel, tout cela, l'intellectuel guidant le peuple, la bombe sous le manteau, le drapeau noir, le côté franc-tireur aussi, c'est du folklore à vos yeux ? La bombe sous le manteau, bien sûr, c'est une toute petite période du mouvement anarchiste, de révolte au premier degré, si vous voulez. d'enchaînement aussi, de crimes, d'attentats, de vengeance, etc. Mais c'est une toute petite période qui a été vraiment montée en épingle et qui continue à faire l'objet de critiques et tout ça, parce qu'il faut bien trouver une manière de critiquer les anarchistes, qui sont souvent des gens très pacifiques, très gentils, mais qui n'ont pas peur de dire franchement ce qu'ils pensent et de critiquer très fondamentalement les structures sociales et les structures de pouvoir dans lesquelles on est. Peut-être aussi parce qu'il faut définir le mouvement d'une manière ou d'une autre, et peut-être que ce mouvement, ou peut-être qu'on devrait dire ces mouvements, sont plus difficiles à définir que d'autres mouvements idéologiques. Parce que ni Dieu ni maître, donc il n'y a pas de catéchisme, il y a une grande variété de positions effectivement, avec des valeurs fondamentales, des espèces d'axiomes, si on veut, qui sont la liberté, la solidarité, le refus des structures autoritaires, puis voilà. Donc c'est pas très compliqué au départ, mais ça peut prendre des formes extrêmement multiples. Et comme il n'y a pas de parti anarchiste, puisqu'il y a par définition un refus d'entrer dans une structure étatique, ça complique aussi un petit peu la définition. Oui, on a dit parfois que l'anarchisme, c'est le seul mouvement politique qui ne participe pas à la politique, qui est ailleurs, mais qui a une philosophie politique et une pratique politique indéniable. C'est une philosophie qui s'adresse dans un premier temps à l'individu, avant de s'adresser à la masse? Non, je crois que c'est vraiment le collectif qui prime. Bien sûr, la personne doit essayer de s'émanciper des structures étatiques qu'on a dans la tête, des comportements autoritaires, que ce soit le commandement ou l'obéissance, qui sont les deux faces du même phénomène. Mais je crois essentiellement que c'est la force du collectif. Et là, justement, le refus de parvenir, c'est vraiment la critique de la personne qui monte en-dessus des autres sans tenir compte d'eux. Or, l'idée, c'est vraiment de se libérer ensemble, collectivement, avec des collectifs qui peuvent être très multiples. Et donc, quelquefois, le collectif n'a pas de nom, il n'a pas d'identité. C'est comme, je sais pas, comme les squatters aujourd'hui, qui s'appellent Gilbert et Gilberte. Un point, c'est tout. Malgré tout, dans ce refus de parvenir, c'est bien à chacun d'entre nous que vous parlez, avec nos conflits internes, nos conflits personnels. Comment est-ce que je me situe dans la société? Comment est-ce que je me sens valorisée dans cette société, si ce n'est pas à travers une ascension professionnelle, sociale, économique? Bien entendu, parce que c'est vraiment le modèle général, l'ascenseur social, comme s'il était ouvert à tout le monde. Si on loupe l'ascenseur, on ne vaut rien. Et il y a toute cette idéologie du toujours plus, toujours mieux, toujours plus haut. Mais la compétition depuis les petites classes d'école, où on n'encourage pas la coopération, mais la compétition entre les élèves, les notations, les primes, les... Donc je pense que ça demande une réflexion complètement nouvelle sur comment s'organiser, comment gérer les choses ensemble, partager. C'est vrai que ça va totalement au sens contraire des valeurs du libéralisme et de la globalisation. À la fois, les psychologues disent « chacun a besoin de reconnaissance pour avancer dans sa vie personnelle ». Ça voudrait dire déplacer la reconnaissance. Actuellement, reconnaissance est synonyme de réussite. On pourrait imaginer un système qui ne valorise pas ce type de manière d'être. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres manières de réussir. Le refus de parvenir, ça ne veut pas dire refus de parvenir à ses fins, refus d'avancer, de progresser. Ça veut vraiment dire refus des avantages personnels, de l'oppression d'autrui. Et je pense que c'est indubitable qu'au CIRA, j'ai une certaine reconnaissance. Si un éditeur me demande une brochure, c'est parce que j'ai un petit nom, j'ai publié quelque chose. Et c'est tout à fait satisfaisant. Je gagne pas un sou avec ça. Je gagne pas non plus de médailles ou de décorations. Mais c'est pas ça qui m'importe. C'est le fait que les gens qui m'entourent s'intéressent à ça. Que vous, à la radio, vous dites « tiens, ça m'interpelle, il y a peut-être quelque chose à dire », ça, c'est beaucoup plus important que la gloire, les médailles et le compte en banque. Le refus de parvenir, ce terme « parvenir », il n'est pas très clair au premier abord, il est un peu désuet en fait. Pourquoi est-ce que c'est ce mot-là que vous choisissez pour le titre de ce petit essai? Parce que nous avons repris un texte d'un enseignant du début du XXe siècle qui s'appelait Albert Thierry et qui a vraiment été celui qui a écrit le premier avec cette expression. C'est un thème qu'on pouvait trouver un peu chez d'autres écrivains syndicalistes, anarchistes et autres. Mais c'est vraiment lui qui a développé l'idée du refus de la réussite individuelle et de l'arrivisme. L'arrivisme, c'était un autre terme qui était très à la mode à l'époque. Mmh. On trouve des romans. Alors, gardons-nous de trop généraliser ces termes. On peut Je pense que notamment la notion de le parvenu, l'arriviste, voire le grimpion, il peut être critiqué aussi par la grande bourgeoisie qui aime pas trop qu'il y ait des nouveaux riches qui viennent rejoindre ses rangs. Mais c'est une conception différente, notamment dans le mouvement syndical ou syndicaliste. C'est « je veux pas m'en sortir moi-même si les autres ne sont pas avec moi ». C'est ensemble qu'on peut le faire, et pas autrement, ça vaut rien. Tout le monde a des tas de bonnes idées, mais elles sont pas efficaces, elles sont pas prenantes si il y a pas le collectif qui est là derrière. Il y a beaucoup de réussites individuelles où on n'échappe pas à une certaine oppression d'autrui. On a du succès dans une chose aux dépens d'autres personnes qui en auront moins. On mesure souvent le succès par rapport à l'échec. Et je pense pas que ce soit heureux comme système. La question, c'est celle de la compromission. Alors, bien entendu, pour vivre dans la société actuelle, on fait des compromissions, on gagne de l'argent, on paye des impôts. Mais en même temps, on peut avoir une certaine distance, être à l'écoute aussi de gens qui vivent radicalement autrement. Alors, toujours un peu la tension, est-ce qu'on se coupe de la société si on va cultiver des choux et des carottes au fin fond de la Creuse? Ou si on vit en squat et qu'on n'a pas de revenus financiers, est-ce que on a une prise sur la société ou pas? Ça peut être aussi des questions qu'on peut se poser. Mais je pense qu'on ne propose jamais de solution universelle. C'est justement l'anarchisme, c'est aussi un mouvement très multiple, très varié, qui est ouvert à un tas de formes et de modes de vie et de modes d'action sur la société. Et est-ce que, parce qu'on vit en plantant des carottes dans la Creuse, est-ce que vraiment on échappe à tout modèle hiérarchique? Est-ce que, parce qu'on se met en retrait de cette société, on n'en génère pas une avec ses propres inégalités aussi, parfois? C'est des débats qu'il y a eu depuis très longtemps aussi, notamment sur les communautés, ce qu'on appelait les colonies anarchistes dans le temps, où, effectivement, souvent, elle se termine mal, il y a des conflits personnels, mais parce qu'on n'est pas sur la Lune, on est dans le monde, on a eu une éducation, on est entouré par le monde qui continue de vivre, donc on n'est pas des anges non plus. De même, les luttes syndicales peuvent entraîner des échecs cuisants dans tous les domaines. On peut pas imaginer que, parce qu'on a trouvé une bonne voie, on va réussir jusqu'au bout. Si on réussit vraiment, c'est que la révolution est faite et que le monde a complètement changé. Mais est-ce qu'on le souhaite vraiment? Ah oui, quelque part, comme une utopie, comme un horizon qui s'éloigne toujours, plus on s'en rapproche, parce qu'on veut toujours plus, toujours mieux. Marianne Henkel, je l'ai dit en introduction, vous êtes la responsable du CIRA, le Centre de Recherche sur l'Anarchisme à Lausanne. Vous y êtes depuis plus de 50 ans, c'est juste. On va évidemment en parler tout à l'heure de ce lieu, de ce que vous y faites. Mais j'aimerais d'abord qu'on pénètre un peu dans l'histoire de l'anarchisme qui croise la route de la Suisse de manière assez particulière. Est-ce que la Suisse était un bon terreau pour voir se développer au 19e siècle ces idées? Alors, on peut penser que c'est un bon terreau, et puis il y a une part de hasard historique, forcément. Mais effectivement, il y a 150 ans, constitution de l'Association internationale des travailleurs, donc la première organisation qui propose aux travailleurs de s'organiser sans les patrons, sans les curés, sans les philanthropes qui avaient jusque-là organisé des sociétés de secours mutuels, des organismes de soutien. Et donc, il s'agit de tout inventer, de tout créer. Donc, c'est l'origine des syndicats, mais il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de recette à suivre. Mais qui prend ça en main? Quel type d'ouvrier se dit maintenant, allez hop, on s'agrège? Alors, c'est des gens très différents dans tous les pays, mais en Suisse, c'est notamment ceux qui sont les plus connus jusqu'à nos jours, c'est les ouvriers horlogers du Val de Saint-Imier, ainsi que des gens à Genève, dans l'horlogerie, dans le bâtiment, ainsi que des gens dans les montagnes châteloises et ailleurs, des ouvriers allemands, italiens, français, depuis la Commune de Paris, beaucoup de réfugiés de France, donc qui sont pas forcément des ouvriers manuels, qui peuvent aussi être des journalistes, des employés, des professions diverses. Mais ceux qui ont eu le plus de renommée, même s'ils n'étaient pas très nombreux, et qui sont vraiment à l'origine du mouvement anarchiste actuel, c'est les ouvriers horlogers du Vallon de Saint-Imier. Alors, c'est pas des horlogers qui font des belles montres, des artisans, ils font des pièces détachées, ils ont un métier très parcellisé. Ils travaillent en atelier ou ils travaillent à la maison, ces gens-là? Les ateliers commencent à cette époque-là, donc vers 1870, mais ils travaillent pour la plupart à la maison, parfois avec l'aide de la famille, parfois juste dans un coin de chambre, enfin devant la fenêtre, pendant que les gosses sont derrière et que la femme fait à manger. Répartition assez traditionnelle des rôles. Même dans les milieux anarchistes. Mais ils sont pas anarchistes au départ. Ils essaient de s'organiser. Et un beau jour, ils invitent Bakounine. Bakounine, qui est un russe grand... avec une énorme barbe. Une énorme barbe, qui parle fort et bien, qui boit beaucoup de café, fume beaucoup. Mais qui est une sorte de révolutionnaire professionnel à l'époque. Il a fait des révolutions de 48, il a fait longtemps de prison, il est dans des tas de complots et de conspirations, et il l'invite à faire une conférence, et il y a un déclic. Et pour moi, c'est vraiment ce déclic entre un intellectuel comploteur qui a réfléchi à la révolution, qui a aussi été sur les barricades, mais qui a jamais travaillé, c'est un noble russe, et ces ouvriers horlogers qui cherchent des idées, qui cherchent à comment traduire leur pratique quotidienne d'entraide, de sociabilité diverse, tout ça. Et Bakounine est frappé par eux, eux sont frappés par Bakounine, et ça se met à fermenter, et à fermenter sérieusement, au point que quelques années plus tard, on organise des réunions internationales dans ce vallon perdu où il n'y a même pas de train pour arriver, où il y a de la neige en hiver, où les gens sont pauvres, même s'ils ont des métiers qualifiés. Et on fait venir des gens d'Espagne, d'Italie, de France, d'un peu partout, pour s'organiser au niveau international. Comment vivent les autorités de l'époque? Comment est-ce qu'elles réagissent à l'apparition de ces groupes plus ou moins organisés? Alors, étrangement, on trouve peu de choses. Il y a de la répression en 77, parce qu'ils vont fêter l'anniversaire de la Commune de Paris à Berne. Ils ont un drapeau rouge que la police essaye de leur saisir, donc il y a quelques bagarres assez sérieuses. Et là, ils vont faire quelques semaines de prison, plusieurs d'entre eux, les meneurs, bien sûr. Mais au début, ils sont pas vus comme un élément forcément dangereux. Ils sont assez discrets. C'est des endroits, même, je dis, il n'y a pas de train, il y a des mauvaises routes, mais il y a quand même du passage, parce que il y a les envoyés des compagnies horlogères qui viennent acheter les pièces deux fois par an et distribuer les salaires. Il y a des livraisons qui se font. Il y a un certain nombre d'hôtels et d'auberges dans le vallon. Et pas mal de sociétés locales. Donc, au début, je pense qu'ils sont vus comme une des nombreuses sociétés locales, que ce soit les abstinents ou la fanfare. Comment va rayonner ce petit groupe à l'international? On reste dans un échelon d'histoire locale, ou est-ce que ça a vraiment une importance majeure pour la création de ces groupements anarchistes européens? Alors, en 1872, il faut penser que il y a eu de la forte répression contre la Commune de Paris. La France n'autorise pas les associations. Il n'y a pas de liberté d'association ou de presse. En Allemagne, pas plus que ça. En Italie, c'est difficile aussi. Donc, la Suisse, c'est un pays où il y a une certaine liberté. D'ailleurs, elle accueille assez généreusement à l'époque des réfugiés. Ça a changé depuis lors. Donc, d'une part, il y a cette réunion à Saint-Imier en 1872 qui a été fêtée il y a deux ans comme acte de naissance de l'anarchisme. Et puis, c'est dans le vallon qu'on va publier pendant quelques années un bulletin d'information qui s'appelle le bulletin de la Fédération Jurassienne, donc c'est le nom de l'organisation locale, qui tire pas beaucoup, qui tire à 600 exemplaires environ, mais qui est diffusé dans le monde entier. Mmh. Et ça, c'est très impressionnant, parce que il est dit, on peut s'abonner au bulletin chez Ademar Schwitzgebel, graveur à son Villiers. Et il reçoit des lettres d'Espagne, d'Uruguay, de Russie, de Berlin, de je ne sais où. Et ils ont pas froid aux yeux. Ils répondent, ils écrivent, ils ont une ou deux personnes qui savent quelques langues. Mais ils communiquent de la même manière avec quelqu'un qui a un abonnement gratuit parce qu'il est en prison, ou un prof d'université qui a envie de s'informer sur ce qui se passe. Et ça dure quelques années, pas très longtemps, mais ça suffit pour lancer vraiment ce qu'on appellerait aujourd'hui un réseau de contacts internationaux, des carnets d'adresses, des échanges, aussi des lieux où on pourra s'exiler le cas échéant, parce que c'est malheureusement fréquent. Et voilà, alors il y a peut-être des mouvements plus forts que dans le vallon en France, en Espagne et en Italie surtout, mouvements anarchistes plus nombreux, Mais voilà, leurs regards sont tournés vers Sonvilliers et Saint-Imier pour avoir des liens qu'ils ont plus de difficultés peut-être à avoir de manière horizontale. Vous dites ça ne dure pas très longtemps. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des conflits à l'intérieur de ce groupe, il va y avoir des conflits à l'intérieur de la Suisse dans les mouvements anarchistes à la fin du 19e? Ou est-ce que ça s'essouffle, simplement ça s'épuise? Ça s'étiole pour différentes raisons, le départ de certains, la crise horlogère et aussi l'apparition de l'Union syndicale suisse sous d'autres noms, l'apparition du Parti socialiste qui va attirer quand même pas mal de gens qui se disent voilà, il y a une structure solide, stable, locale. Donc c'est une série d'éléments qui fait que ça s'étiole vers la fin des années 1880 et puis ça repart ailleurs et puis c'est pas grave si ça s'étiole, ça, la flamme existe toujours. Mmh. Il y a différents types de syndicalisme. En Suisse, on est dans un syndicalisme qui se passe dans le cadre de corporations. On est très très loin là d'un idéal syndicaliste révolutionnaire. Alors il y a eu un mouvement syndicaliste révolutionnaire en Suisse de nouveau au début du XXe siècle. C'est vraiment un peu une période clé. Ce qui ne veut pas dire que ça soit éteint par la suite, mais il y avait à l'époque une fédération des unions ouvrières qui était une alternative à l'union syndicale. La Fédération des unions ouvrières n'avait pas de permanent, pratiquait beaucoup l'action directe, sur les sabotages, les grèves, la propagande sur les chantiers, dans les usines. Et ça a duré jusqu'à 14, parce que la première guerre a été un moment de rupture sérieuse dans l'ensemble du mouvement ouvrier, que ce soit d'abord les problèmes entre internationaliste, pacifiste et courant quand même plus patriote, et puis la révolution russe, donc la donne a changé sérieusement à ce moment-là, et donc les organisations ont dû se réorganiser ou opérer des mutations. Un grand moment de l'histoire suisse du XXe siècle, c'est la grève générale de 1918. Que font les anarchistes pendant ce temps? Ils sont très actifs? Ils sont au contraire en rupture? Pas du tout, parce que un des anarchistes importants de Suisse, qui était Louis Bertoni, qui a publié pendant plus de 40 ans un journal, voire deux journaux à Genève, l'un en français, l'autre en italien, Le Réveil anarchiste, Il Risveglio Anarchico. Bertoni, il était en tôle à l'époque de la grève générale. Pour une sombre histoire d'un complot, de ce qu'on appelait les bombes de Zurich, où énormément de gens ont été en prison pour absolument rien. Il y avait des provocateurs qui avaient essayé de faire un trafic d'explosifs et d'impliquer des anarchistes, des syndicalistes révolutionnaires. Donc Bertoni en prison. Les Italiens, beaucoup d'entre eux sont rentrés en Italie à la guerre. Ils pouvaient pas rester en Suisse, pas de boulot, ils étaient mobilisés. Et puis en Suisse romande, la grève générale a eu très peu d'importance parce qu'on fêtait l'armistice. On était quand même plutôt francophiles. L'armistice le 11 novembre, la grève générale le 17. C'est pas forcément l'état d'esprit n'y est pas. Et à part les syndicats des cheminots, des tramways, il y a eu très peu de grévistes en Suisse romande. Marianne Henkel, durant cette période de l'entre-deux-guerres, vous mentionnez Bertoni qui était en prison en 18, il va quand même avoir une importance marquante pour le mouvement anarchiste romand ensuite dans l'entre-deux-guerres. C'est un petit peu à cette occasion que va se créer le premier fonds qui donnera naissance au fonds du CIRA actuel. Vous aimez les chansons à texte, les chansons anarchistes, Marianne Henkel? J'aime bien les chansons. Peut-être pas tellement celle où on comprend pas les paroles, parce que les jeunes, j'ai plus des oreilles assez jeunes pour les comprendre. Mais il y a toute une série, il y a une tradition de chansons. Il y a quelques années, on a publié un petit chansonnier dans plusieurs langues, parce qu'on se rendait compte que dans des réunions comme ça, on savait trois lignes, on savait un demi-couplet, et puis ensuite la la la. Donc le chansonnier, ça peut avoir son intérêt. Et vous collectionnez au CIRA des disques, des enregistrements, des bandes? Alors, pas de manière systématique, mais les gens nous en donnent, on enregistre, copie. Donc, on a peut-être 200 disques ou cassettes audio. De même que aussi les films, on le fait pas de manière du tout systématique, mais voilà, ils arrivent comme ça. On va parler de ce CIRA, Centre international de recherche sur l'anarchisme. Tout à l'heure, on évoquait assez rapidement l'importance de la Suisse dans les mouvements anarchistes, en tout cas dans sa naissance, et puis cette espèce d'étiolement un petit peu comme ça au début, durant l'entre-deux-guerres, on va dire. Et vous parliez de ce personnage, Bertoni. Il est un peu à la source de l'idée de maintenir et structurer une mémoire de l'anarchisme. Alors sans doute, ses archives étaient relativement bien conservées. Et puis, comme tous les groupes anarchistes, le groupe de Genève avait sa bibliothèque. Parce que les gens n'avaient pas tellement de bouquins chez eux. Souvent, ils déménageaient parfois à la cloche de bois. Et ils n'avaient pas les moyens. Donc l'idée aussi de mettre en commun les livres, c'est très traditionnel chez les anarchistes. Et donc c'était une bibliothèque où il y avait non seulement des textes politiques anarchistes, mais aussi la littérature générale. On lisait Zola, on lisait des auteurs un peu ouvriéristes parfois. Il y avait des ouvrages scientifiques aussi, parce que cette idée d'acquérir le savoir qu'on nous a pas enseigné à l'école, qui est quelquefois chasse gardée des scientifiques et des universitaires, donc beaucoup de livres de vulgarisation scientifique auxquels chacun pouvait accéder. Et puis les débats aussi dans les groupes, c'est parfois sur des sujets de science ou de culture générale ou d'art, parce que voilà, il faut connaître, on s'approprie les choses sans avoir passé par les voies classiques de la formation et de l'enseignement. On imagine ce petit fonds qui se structure, qui s'agrandit, comme vous disiez, une bibliothèque. En 1947, Bertoni meurt. Qu'est-ce que va devenir ce fonds ? Alors, les quelques copains qui restaient l'ont mis en sécurité à plusieurs endroits, avec un inventaire sommaire. Bertoni lui-même avait, quelques années auparavant, il avait vendu une partie de ses archives, parce qu'il avait plein de sous, à l'Institut international d'histoire sociale d'Amsterdam, qui est assez spécialisé dans l'anarchisme et dans les mouvements sociaux en général, et qui a l'avantage d'acheter des archives. Donc on a peu d'archives personnelles de Bertoni, quoi qu'il y en a un certain nombre, mais ses bouquins, donc qui étaient les siens plus la bibliothèque germinale, ont été mis à l'abri et ont été ressortis de là une dizaine d'années plus tard, quand le CIRA a commencé à s'affirmer. Pourquoi est-ce que ce CIRA commence à s'affirmer ? Qu'est-ce qui se passe ? Qui se dit maintenant, allez, on structure tout ça, on en fait peut-être même un catalogue, on essaye d'exister aussi sur un plan de la mémoire ? Alors c'était en fait l'initiative d'une personne, un compagnon italien, Pietro Ferrua, qui était objecteur de conscience en Italie. Et dans les années 50, paradoxalement, la Suisse acceptait comme réfugié des objecteurs de conscience français ou italiens, tout en mettant ses propres objecteurs en prison. Ouais. En prison parce que, considérant qu'ils avaient des peines disproportionnées, en Italie, ils étaient condamnés à un an de prison, et puis à la sortie, on leur présentait l'uniforme. S'ils refusaient de l'endosser, c'était reparti pour un an ou deux. Donc, à la longue, témoigner on veut bien, mais perdre sa vie à rester en prison, c'est pas très intéressant. Donc, Ferrois s'était réfugié en Suisse. Et il ne pouvait pas avoir d'activité dite politique comme réfugié. Et donc, il s'est mis à constituer ses archives à partir de ce qu'il avait sous la main, à prendre des contacts internationaux, à écrire pour demander qu'on envoie des journaux, des périodiques. Et peu à peu, il a aussi reçu certains fonds plus importants, fonds d'imprimés et d'archives. Et tout ça s'est entassé dans une petite chambre d'abord, un local un peu plus grand ensuite. Et il a fallu le trier pour le mettre à disposition. À disposition de qui ? Des militants essentiellement, pas encore des chercheurs ? Pas forcément. C'est un centre de recherche sur l'anarchisme. Donc dès le début, il était clair que c'est pas une organisation militante qui fait des actions, qui fait des tracts ou des choses comme ça. Mais c'est ouvert à tout le monde. Ça peut être des journalistes, des enseignants, voire des adversaires de l'anarchisme. Mais c'est pour donner accès à de la documentation. Donc on a aussi des livres non anarchistes qui parlent d'anarchisme ou d'autres. Donc c'est pas restreint, c'est pas comme une bibliothèque d'un groupe militant qui cherche des armes. Il y a aussi, bien sûr, il y a aussi des armes imprimées. Marianne Henkel, c'est dans les années 60 que vous allez croiser la route de ce CIRA qui était encore tout jeune. Ouais. Vous êtes entrée là-dedans par quel biais ? D'abord la militance, d'abord l'idéologie ? Non, en fait, d'abord la rencontre avec Pietro Ferrua et quelques autres personnes. Dans quel cadre vous le rencontrez ? à travers les mouvements antimilitaristes essentiellement, dont je me rapprochais un peu, parce que voilà, il y avait des objecteurs beaux, aux yeux clairs et aux belles barbes. Et puis il y avait les campagnes anti-atomiques à l'époque, en Suisse, tout ça. Donc voilà, je cherchais un peu, donc j'ai rencontré ces gens, et puis ça me semblait correspondre, ça m'enrichissait mes réflexions, j'avais envie d'en savoir plus. Étiez étudiante, vous étiez universitaire? J'étais en train de commencer. Bon, j'ai été étudiée à Genève parce que justement le CIRA y était et que Pierre Ferroy a été expulsé de Suisse en 63 parce qu'il avait quand même eu quelques activités pas très légales, et donc il a fallu reprendre un peu au pied levé cette bibliothèque qui était petite à l'époque et qui 5 ans après, en mai 68, a complètement explosé. Vous la reprenez avec votre mère. Ouais. Votre mère, elle avait quel rapport avec ces mouvements anarchistes? On a fait un peu ce cheminement ensemble. C'était très privilégié, c'était formidable. Ma mère a élevé 5 enfants toute seule. Donc une fois qu'ils étaient grands, elle a pu se remettre à lire, à s'intéresser à des choses, à militer un peu. Et donc on était ensemble dans ces groupes antimilitaristes. Et on a commencé ensemble à s'intéresser à la littérature anarchiste. En 63, quand vous reprenez le CIRA avec votre mère, vous écrivez que vous vous sentiez quand même un peu seulette quand il s'agissait d'aller parler du mouvement, d'aller éventuellement distribuer quelques tracts. Personne ne savait ce que c'était que l'anarchisme, personne s'y intéressait. Par exemple, on ne trouvait rien en librairie. Anciennement, il y avait eu l'éditeur Stock en France avait publié beaucoup de classiques de l'anarchisme un siècle plus tôt. Mais dans l'après-guerre, il y avait que des éditions militantes, donc des livres auto-édités ou des brochures, peu de périodiques, peu de... Il y a eu une reprise juste après la guerre, comme de tous les groupes politiques. Mais ensuite, avec la guerre froide, avec la position, si on n'est pas pour Moscou, on est pour Washington, il n'y a pas de troisième voie. Tous ceux qui se réclamaient d'une autre voie étaient vraiment extrêmement marginalisés. Donc c'était difficile d'accéder, de savoir quelque chose. Il y avait un que sais-je sur l'anarchisme. Quelques années plus tard, depuis 65-66, il y a eu un livre de poche de Daniel Guérin qui s'appelle L'anarchisme, qui a eu un grand succès. Mais autrement, en librairie, on ne trouvait rien. En bibliothèque, on trouvait un peu de Proudhon, Bakounine. C'est pas évident, c'est un peu rébarbatif de se plonger là-dedans quand on a 18 ans. Il y avait des mouvements au niveau international qui vous attiraient, parce que vous dites qu'il y avait des beaux objecteurs de conscience, mais on peut imaginer qu'on a besoin d'un petit peu plus de groupe quand on a 19 ans, quand on a 20 ans, et qu'on a envie de s'investir dans une cause. On a envie d'être porté par un collectif. Alors j'ai trouvé petit à petit quelques contacts. On a fait un petit groupe aussi à Lausanne de débats, de présentations. Mais c'était quand même, on n'était pas nombreux. Alors j'allais un peu, quand il y avait une grève à l'université à Paris, je courais à Paris pour voir des copains. Chasseuse de manifs. Mais 68 arrive, là c'est le boom. Tout d'un coup, on publie, on s'intéresse, on fréquente ses idées. Voilà, alors c'était une année où les visiteurs au CIRA étaient innombrables. Et les publications aussi. Alors, Il y a de tout à l'époque, parce que tous les éditeurs commerciaux se disent la bonne affaire. Bon business. Mmh. Et publient n'importe quoi. Mais il y a eu aussi, par exemple, c'est à partir de ces années-là qu'on a pu faire des travaux universitaires. Auparavant, il y avait eu une thèse en France, en 55, de Jean Mettron, qui a fait une thèse sur le mouvement anarchiste en France, qui reste inégalée, mais il a dû batailler pour que ce soit accepté comme un sujet sérieux de recherche. Moi, j'ai fait des travaux universitaires aussi, où même les profs commençaient par ricaner en disant « Mais de quoi allez-vous nous parler ?» Et puis tout à coup, découvrant qu'il y avait des corpus, qu'il y avait des lectures intéressantes, qu'il y avait un véritable mouvement, que c'était pas n'importe quoi comme hippie ou lanceur de bombes. Vous le disiez, le CIRA, c'est pas tout à fait un lieu de militance. Dans votre livre, Le refus de parvenir, Marianne Henkel, vous mentionnez même comment on vous prie de vous tenir plus ou moins à l'écart des mouvements les plus actifs, voire les plus violents, ou en tout cas illégaux. Comment vous avez managé ça? À la fois, j'imagine, une forme d'attirance aussi pour la lutte directe. Bien sûr, et puis j'ai assez rapidement pensé que la priorité, c'est le CIRA et sa permanence. Donc il y a eu quand même des périodes où Il y avait des messieurs en imperméable cintrés qui étaient sur le trottoir à regarder les gens qui entraient au CIRA. J'ai un dossier de la police politique épais. Les fiches, vous avez... Les fiches, ouais. Mm-hmm. Donc il n'y a rien à dire, qui dit juste qu'il y a des gens qui sont venus lire des bouquins. Donc il fallait tenir bon dans ce cadre-là pour dire, voilà, on a une bibliothèque, on est ouvert, on a des littératures extrêmement explosives, mais on n'a pas un laboratoire de chimie, contrairement à ce que disait le chef de la police lausannoise il y a encore 30 ans. Et vous, individuellement, vous dites, j'ai évidemment choisi le CIRA, mais enfin, l'attirance que ça peut représenter, la lutte directe, ça, vous le sentiez pas? Si, mais j'étais justement dans des... je continuais à être dans des groupes antimilitaristes, intervenir quelquefois un peu lourdement lors de procès d'objecteurs, à faire des tracts un peu incendiaires. Mais la lutte, c'est pas forcément les explosifs, de nouveau. Ça peut être l'organisation, ça peut être le témoignage, ça peut être des publications, ça peut être une organisation de personnes. Et aussi, je pense que la manière de fonctionner du CIRA, elle est assez anarchiste, elle est autogérée, si vous voulez. Moi je suis là depuis longtemps, mais on est une équipe de personnes qui ont des qualifications extrêmement diverses, qui se relayent, qui apprennent sur place, on partage beaucoup les connaissances qu'on a. Il y a un bibliothécaire qualifié, moi j'ai appris sur le tas, et puis d'autres qui apprennent ou qui se débrouillent, et puis on a quelqu'un tout à coup qui sait le japonais, qui vient cataloguer des livres en japonais, ou en russe, ou en chinois, ou un informaticien qui vient nous donner des coups de main. Donc là, c'est vrai que c'était un peu difficile pour moi de me défaire de mon pouvoir au CIRA à certains moments, où voilà, j'avais un peu peur du changement quand ça, on s'est mis à travailler plus en équipe, disant mais on a toujours fait comme ça. Puis ils me disent mais pourquoi on ne ferait pas autrement? Parce qu'on a toujours fait comme ça. Ah. Et donc c'est une très bonne leçon pour moi. C'est une bonne pratique. C'est des gens plus jeunes que moi, mais qui ont un rapport très égalitaire. Toujours cette idée de travailler collectivement avec les usagers aussi. Donc même au CIRA, on demande souvent aux personnes qui viennent lire de donner des coups de main, de trier un fond ou d'étiqueter des bouquins, ou de nous amener des stylos et des gommes. Aujourd'hui, Marianne Henkel, il y a des civilistes qui travaillent aussi au CIRA. C'est quand même rigolo. C'est quand même rigolo. Oui, c'est paradoxal. D'avoir des gens qui peuvent aller en refusant de faire l'armée, et bien qu'ils soient... Voilà, alors on leur précise bien qu'ils doivent faire un travail scientifique au CIRA. Et c'est ce qu'ils font. Et bon, c'est précieux aussi parce que c'est des personnes autonomes qui ont pas besoin qu'on leur donne des ordres, ou n'aiment surtout pas qu'on leur donne des ordres. Parce que je pense qu'ils ont, ceux qui ont fait l'expérience de l'armée, ils ont très vite vu cette question du soit on commande, soit on obéit. Mais il y a pas d'autre voie, et c'est aussi douloureux l'un que l'autre, soit de commander, soit d'être obéi, soit d'être en prison, soit d'être le geôlier. Les deux rôles sont insupportables. Donc voilà, les civilistes, ils ont plein de compétences. Et on a des stagiaires aussi parfois. Vraiment toute des gammes de compétences qui sont précieuses, et un esprit de fraternité qui est aussi extrêmement précieux. Mmh. Vous disiez tout à l'heure, Marianne Henkel, que certains livres étaient explosifs, qu'il n'y avait pas de chimie dans le CIRA, mais que par contre, il y a du ferment d'idées. Est-ce que, quand on parlait de surveillance de la police fédérale, est-ce que vous avez dû, des fois, cacher des livres, planquer des parties de fond? Non. On a eu, il y a quelque temps, des artistes qui sont venus, qui s'intéressaient un peu à des fonds, puis nous ont demandé, est-ce que vous avez des fonds clandestins? Si on en avait, on vous le dirait pas, déjà. Alors, on a bien sûr dans les archives, on a des fonds sensibles, c'est-à-dire des choses récentes, qui concernent des personnes en vie, qui sont pas, comme dans tous les fonds d'archives, on peut pas les mettre à disposition. C'est la protection des données. La protection des données, donc ils sont pas inventoriés publiquement. Mais autrement, non, tout est accessible en direct. En fait, les seules choses qu'on a mises dans un enfer de bibliothèque, c'est des livres vraiment très mauvais. Donc, déconseillés, pas par l'idéologie qu'ils transportent, mais plein d'erreurs, mal fichues. Donc ça, ils sont aussi dans un coin, à l'abri des regards. Vous parliez tout à l'heure des maraîchers. Aujourd'hui, est-ce qu'on arrive à faire à dresser les contours du mouvement anarchiste qui s'est peut-être un petit peu parcellisé, qui se retrouve dans plein d'expériences, de tentatives, d'utopies, d'essais? On arrive à le définir un peu? Où est-ce qu'on retrouve aujourd'hui les anarchistes? Alors, il y a un mouvement anarchiste avec différentes organisations qui se réclament de l'anarchisme ou des gens, des groupes. Je pense pas qu'il faut assimiler tous les groupes autogérés, toutes les collectivités autonomes. C'est pas à nous de les qualifier d'anarchistes ou pas, de leur décerner un diplôme ou une étiquette. Donc, je crois que en Suisse, il y a quand même peu de tradition. Il y a une vieille tradition dont je parlais tout à l'heure, mais il y a des trous générationnels, donc on se réclame pas forcément, sauf de manière légendaire, de Saint-Imier. En revanche, il y a beaucoup de personnes qui trouvent par elles-mêmes des manières collectives, non hiérarchiques, de s'organiser, qui veulent pas participer à la foire électorale ou à la comédie des votations, mais qui ont des implications, des engagements politiques clairs. Et donc on peut dire que c'est toute une des courants proches de l'anarchisme ou de l'autogestion, ou selon les périodes, selon les pays, on qualifiera ces groupes de différentes manières. À la différence de pays où il y a la tradition anarchiste, c'est beaucoup maintenu beaucoup plus solidement, que ce soit l'Italie ou l'Espagne, malgré les années d'exil et de dictature. Et là, je vois que dans ces pays-là, c'est plus clairement défini qui est anarchiste, qui ne l'est pas. Même si on a des liens avec des coopératives de maraîchage ou d'autres alternatives. Mais l'identité anarchiste, elle est beaucoup plus clairement revendiquée parce qu'on s'inscrit dans une histoire, parce qu'on s'inscrit dans des organisations qui existent depuis longtemps et qui sont moins fragiles peut-être que celles qui apparaissent de temps en temps en Suisse. En Suisse, où on retrouvera peut-être ces étiquettes un peu disséminées dans le milieu associatif, dans le milieu coopératif, mais ouais. Effectivement sans être directement identifié. Il y a aujourd'hui un outil incroyable pour les anarchistes, c'est Internet, l'idéal d'un monde horizontal, Internet. Si les anarchistes se privent de l'accès à la démocratie telle qu'elle est construite actuellement avec son système électoral et sa démocratie directe, Internet, en revanche, ça a fait vivre les échanges. Par exemple, au CIRA? Alors, ça a beaucoup changé les échanges. Évidemment, c'est pas... Internet est quand même aussi un organe de surveillance et de pistage des usagers. Donc, en plus d'Internet, on essaye de travailler avec des logiciels libres aussi parce qu'on travaille... Le CIRA, c'est une des rares bibliothèques qui n'achète rien. Tout ce qu'on a, c'est des cadeaux. Les livres, les journaux, les cassettes, voire les ordinateurs, c'est des gens qui nous les ont donnés, donc on a un tout petit budget. Alors on paye quand même l'abonnement à Internet. Donc ça a effectivement beaucoup changé. Dans le temps, on envoyait beaucoup de bouquins en prêt, et puis maintenant on les scanne. Bon, les frais postaux sont épargnés, mais la matérialité du bouquin, c'est quand même quelque chose à laquelle on tient. Après, ça a permis aussi... Pour moi, c'est pas étonnant que Internet soit développé à un moment, c'était après la chute du mur, c'était à un moment aussi où commençaient les luttes anti-mondialisation. Et donc, on a eu des contacts qu'on n'avait jamais eus auparavant avec la Lituanie, avec les Philippines, avec des endroits où on connaissait, où il n'y avait pas eu de tradition anarchiste depuis extrêmement longtemps, parce qu'il y avait la chape de plomb des différents temps de dictature et la difficulté de communiquer aussi à l'étranger. Donc, effectivement, on a plus de contacts internationaux par cette voie-là. On oublie un peu que la poste existe. Et bon, alors on passe beaucoup de temps devant l'écran, ce qui est moins rigolo. Est-ce qu'il y a des conflits entre générations à propos d'Internet? Aujourd'hui, on sait que c'est la manière la plus commode de créer des réseaux, que ce soit à travers des réseaux sociaux officiels, mais ou simplement à travers des échanges de mails, etc. On sait que certaines générations ont eu plus de mal à utiliser ces outils, à s'y mettre. Ça crée des conflits? Pas à ma connaissance, mais je pense quand même que dans un mouvement social et politique, on privilégie les contacts personnels, humains, réelle sur le terrain, parce que c'est, je pense qu'une pétition lancée sur Internet, c'est bien joli, mais quelle réalité, quelle authenticité est-ce que ça a par rapport à une action de rue ou à une défense concrète de droits ou de contre la répression, c'est quand même plus efficace. Les débats attirent toujours beaucoup de monde, les débats autour d'un sujet comme le parvenir ou autre chose. Donc c'est bien le signe aussi que les personnes ont envie de se rencontrer, de se connaître, de faire des choses ensemble. Marianne Henkel, vous êtes là, vaille que vaille, toujours fidèle à vos idées. Quand on lit les noms de ceux qui vous ont accompagné durant ce demi-siècle de travail au CIRA et de militance aussi, je pense par exemple à Daniel Cohn-Bendit que vous mentionnez comme ça entre les pages de votre livre, est-ce qu'on se sent parfois trahi par ceux qui se sont installés, par ceux qui sont un peu parvenus quand même? Alors certains qui ont renié leurs idées, ma foi, libre à eux. Mais, bon, Danny Cohn-Bendit, il a dit clairement à un moment qu'il n'était plus anarchiste. Mais il a gardé des amitiés dans le mouvement. Il a pas renié ses amis. Il a changé d'idée, changé de ligne. Ça arrive dans les meilleures familles. Dans le mouvement anarchiste, on n'a pas tellement de renégats puisqu'on n'a pas de carte de parti. Donc, et effectivement, des gens qui peuvent virer totalement de bord, qui nous disent, les cas extrêmes sont les personnes qui disent « Je veux pas que mon nom apparaisse dans le catalogue de votre bibliothèque, parce que j'étais anarchiste quand j'avais 17 ans, puis j'ai écrit une brochure, mais maintenant je suis, je sais pas quoi, major à l'armée, autre chose. » Donc ça c'est absurde, c'est vraiment, on peut pas le faire. Il y a un nom imprimé sur une brochure, elle est publique. On ne peut pas complètement renier une carte de parti, par contre on peut s'installer pas à pas, discrètement, entrer, accepter des codes qu'on reniait avant, s'acheter une voiture, une villa, accepter un poste à responsabilité, ça vous envoyait quand même des gens. Oui, alors j'en vois qui sont un peu honteux, puis qui disent « mais quand même, tu comprends ». Bon, si, je veux dire, entre payer un loyer ou payer des frais hypothécaires à la banque, pour moi, il n'y a pas forcément tellement de différence. Accepter des responsabilités en essayant de les redistribuer, de les gérer différemment jusqu'à ce que ça casse, c'est une expérience qui est intéressante. Il ne faut pas mépriser du tout. Après, voilà, on est en général pris quand même entre le sommet et la base. On a des bonnes idées qui font un peu peur aux gens parce que partager les responsabilités, c'est aussi un peu plus de boulot, c'est un peu moins. Voilà, quelquefois où, dans un travail salarié, on aime bien que ce soit rayé de paresse. Moi j'ai de responsabilités, mieux ça me va. Donc faire les choses ensemble, ça prend plus de temps. Et puis en même temps, je crois que c'est quand même d'une efficacité bien supérieure aussi pour la vie personnelle, pour la vie sociale. Et le parcours humain. Merci beaucoup, Marianne Henkel.